agents britanniques qui travaillaient au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940. Le propriétaire m'a donné l'ordre de... Le propriétaire? Pardon, le propriétaire. Mais je ne connais pas le propriétaire. Le propriétaire, c'est la loi. La loi, la loi. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, Monsieur Vautour. La littérature du 19e siècle est parcourue du côté des romans comme du théâtre par le personnage caricatural du propriétaire voué à soutirer à ses locataires impitoyablement l'argent qu'il engraissera. Honoré Daumier en a proposé de multiples représentations tout au long de son œuvre. On peut être tenté à notre époque, où en France 58% des ménages possèdent leur résidence principale, de penser que cette confrontation brutale a largement basculé dans le passé. Et pourtant, si on élargit le regard et si l'on considère que la proportion des mal logés concerne encore aujourd'hui 3,5 millions de nos compatriotes, il apparaît que la question de la propriété des habitations demeure très présente dans l'équilibre de la société, qu'elle mérite d'être replacée sous la lumière de la longue durée. Car ce problème demeure central, au cœur de la cohésion d'une nation et spécifiquement de la nôtre. Certes, tout s'est compliqué à partir du XXe siècle, depuis que l'État-providence s'est trouvé directement impliqué dans la défense et dans l'illustration du droit au logement. Soit qu'il ait été conduit à réglementer ce secteur de multiples façons, soit qu'il soit intervenu lui-même, à différents niveaux géographiques et administratifs, directement ou indirectement, comme propriétaire d'immeubles collectifs destinés à compenser les brutalités du marché. Et pourtant, parmi cette complexité même, bien des tensions demeurent, souvent jusqu'à l'intolérable, des tensions qui trouvent leur origine loin en arrière. Danielle Vodman, directrice de recherche émérite au CNRS, a sous-titré « Une histoire française », le livre qu'elle a consacré aux relations souvent très brutales entre propriétaires et locataires depuis la Révolution. J'ai souhaité qu'elle nous en rende compte ce matin, au service d'une réflexion tout à la fois culturelle, sociale, politique et civique. J'ai soupé des propriétaires, vraiment qu'ils deviennent dégoûtants. Ainsi le mien la semaine dernière, ça mène chez moi en rouspétant. Il me dit d'après la pipelette, vous avez malgré le règlement un gros matou et une levrette, et je veux pas de bête dans les logements. Oh les propres, oh, oh, oh, oh les proprios, c'est des sales, oh, oh, oh, c'est des sales moineaux. Alors j'ai répondu, dans votre salle taudis, s'il faut pas d'animaux, fichez-moi le camp d'ici. Car depuis que vous êtes là, à me faire du boniment, je me figure voir une vache dans mon appartement. Un soir il s'amène en colère, en disant c'est pas rigolo, je sais pas comment vous pouvez faire, monsieur mais vous usez trop d'eau, au robinet il y a une ficelle, ça coule tout le temps, c'est ennuyeux, je vous préviens si ça se renouvelle, je vous ferai vider les lieux. Oh les propres, oh, oh, oh, oh les proprios, c'est des sales, oh, oh, oh, c'est des sales moineaux, je lui ai dit comme ça, ben si l'eau coule tout le temps, c'est que ton robinet demande un remplaçant. Quand t'as vidé les lieux, mon vieux tu n'as pas peur, je suis un locataire mais pas un vidangeur, non mais alors... Enfin, comme j'y devais 12 termes et que j'avais pas le rond pour payer, il se fâche et me dit d'une voix ferme, je vous en fais cadeau, mais partez. Mais voilà ce qu'il ajoute ensuite, comme vous avez planté des clous, il faut les enlever au plus vite et bien reboucher tous les trous. Oh Oh, les propres, oh, les proprios, c'est des sales, c'est des sales moineaux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Les clous, je les ai retirés. J'ai rebouché les trous avec un peu de papier. Et bref, avant de partir, pour qu'il n'y ait plus de trous nulle part, vivement, j'ai bouché le sien avec mon pied quelque part. Daniel Volman, bonjour. Bonjour. Je vous ai proposé, à l'orée de notre conversation, une chanson qui s'appelle « La polka des proprios », une chanson de Phébus et Rodor, sur une musique de Vinan Louis Fatsoun, interprétée par Constantin dit Le Rieur. Vous avez remarqué qu'il rit tout le temps. C'est un disque 78 tours qui a été restauré pour nous par la discothèque de Radio France. Nous lui en savons gré. D'abord une précision, pipelette qui passe dans la chanson. D'où vient l'expression ? Pipelette, c'est la pipelette ou le pipelet, c'est le concierge ou la concierge. Le terme a été employé au milieu du 19e siècle, plutôt sous le Second Empire. Je crois que c'est dans les Mystères de Paris qu'on le trouve, de Genesu. C'était un terme qui était courant, qu'on employait. On disait mon pipelet, ma pipelette. Cette chanson de 1913 me paraît ramassée de façon synthétique ou un peu caricaturale. L'idée qu'on peut se faire des relations au 19e siècle entre propriétaires et locataires, non ? Il y a tout dans cette chanson. Des choses évidentes qui apparaissent comme le locataire qui ne paye pas et le propriétaire qui veut ses sous, qui est là, le cripsou. Ça, c'est le cadre général. Mais il y a aussi l'idée que le concierge, justement, ce pipelet, cette pipelette, sont l'émanation du propriétaire puisque c'est eux qui encaissent les loyers. Donc, ils sont directement en contact avec les locataires qui doivent payer. Et puis, il y a toute la question de l'entretien des bâtiments. Parce que normalement, d'après le Code civil et la loi, c'est le propriétaire qui doit entretenir le bien qu'il loue. Or là, le locataire dit qu'il veut pas être vidangeur, il y a des travaux à faire et c'est un enjeu entre le propriétaire et le locataire. Qui va faire les travaux ? Je voudrais que nous remontions plus loin en arrière, Daniel Volman, et que nous disions un mot de la période qui a précédé la Révolution. La Révolution, là comme ailleurs, est une rupture importante dans le sujet qui nous occupe ce matin. Mais auparavant, il y avait déjà des tensions entre propriétaires et locataires. Les propriétaires, c'était souvent des nobles ou des puissances d'église. La noblesse et le clergé étaient des grands propriétaires. On le sait évidemment pour les propriétés rurales. Ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Dans les villes, à la fois la noblesse et le clergé étaient propriétaires non seulement de grandes parcelles, en particulier les couvents, mais aussi d'immeubles qu'on appelait déjà des immeubles de rapport qui étaient donc mis en location. Et déjà, évidemment, les locataires peu argentés, car il y avait aussi parmi les nobles, tout le monde ne possédait pas son hôtel particulier, louait des appartements, mais les locataires moins riches avaient déjà le problème de pouvoir payer ce qu'on appelait le terme, le loyer, tous les 3 mois ou tous les 6 mois ou tous les ans. Et donc il y avait déjà des tensions qui étaient connues en particulier des propriétaires qui savaient que de temps en temps, il y avait des périodes de chômage, des périodes de disette, et donc qui savaient que de temps en temps, peut-être, ils ne percevraient pas leur loyer. Comme toujours, Louis-Sébastien Mercier, dans ses tableaux de Paris, est un magnifique témoin de cette situation que vous évoquez. Il écrit par exemple, à propos précisément du terme, combien parmi vous pâlissent, mes chers et pauvres Parisiens, en lisant seulement le titre de ce chapitre, payer son terme, il rend un son lugubre. Dans les faubourgs, il y a 4000 ménages qui ne payent point leur terme et qui promènent tous les 3 mois de galta en galta des meubles dont la totalité ne vaut pas 24 francs. Ils déménagent pièce à pièce sans payer et laissant seulement un de leurs meubles comme dédommagement. Et ce qui témoigne de l'importance de la propriété ecclésiastique, qui n'est pas moins rude que la propriété des nobles, c'est que la tradition est de payer les loyers à la Saint-Martin le 10 novembre ou à la Saint-Rémy le 15 janvier. Les baux qui étaient des baux écrits ou verbaux, étaient soit de 3 mois en 3 mois, soit annuels. Il n'y avait pas l'idée de payer tous les mois. Ça s'est répandu beaucoup plus tard. Ça s'est généralisé au XXe siècle. Donc jusqu'au XXe siècle, ce fameux terme dénoncé ou craint dont parlait Sébastien Mercier, le terme variait, mais c'était pas tous les mois. Et donc c'était d'autant plus difficile parce que ça veut dire qu'il fallait, si on était un peu prévoyant, économiser pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour arriver à payer la somme globale tous les 6 mois ou tous les ans. Et quand on a un tout petit salaire, c'est un peu difficile, ou quand même on est au chômage, où il y a des périodes de non-travail, c'est très difficile d'économiser. D'où ce son lugubre dont parle Sébastien Mercier. Et puis, on aperçoit déjà, dès ce moment-là, ce que l'on va appeler au XIXe siècle « partir à la cloche de bois ». Ça, c'est très intéressant parce que ça s'est répandu, donc l'expression « la cloche de bois » à la fin du XIXe siècle. D'où vient-elle, cette expression ? Alors, c'est controversé, on ne sait pas très bien. Une cloche de bois, c'est une cloche qui ne sonne pas. Le battant est en bois et donc ça ne sonne pas. Donc ça ne fait pas de bruit. Donc l'idée de la cloche de bois, c'est de partir sans bruit, nuitamment, juste avant le paiement du terme, pour ne pas le payer. Cette hypothèse est la plus vraisemblable. Et les HLM de maintenant, donc du début du XXe siècle, dénoncent les déménagements furtifs. Ils disent plus cloche de bois, ils disent furtif. Revenons à la Révolution française. Du point de vue qui nous occupe, sur les relations entre propriétaires et locataires, le souci des révolutionnaires de 89 de lier la propriété et la citoyenneté crée un climat neuf et explique qu'on ne se soit préoccupé du côté des acteurs de cette époque-là, qu'on ne se soit occupé de la question des logements et de la relation des locataires et des propriétaires qu'avec un temps de retard. Pour comprendre cette façon dont s'est lié et noué la tension entre propriétaires et locataires, il faut en effet revenir à la Révolution. C'est que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proclamé le droit de propriété. Donc les propriétaires ont des droits qui sont des droits constitutionnels. Et ça, c'est très important parce que quand on va parler aujourd'hui du droit au logement, toute la question est de savoir si c'est constitutionnel ou si ça n'est pas constitutionnel. En effet, il faut savoir que la déclaration d'août, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fait partie intégrante désormais de notre constitution. Et toutes les constitutions qui ont succédé aux constitutions de la Première République, donc notre lointaine ancêtre de la Révolution, ont repris ce droit de propriété dans les préliminaires des constitutions. Donc ça, c'est le premier point. Une propriété qui est reconnue, qui donne donc des droits à ceux qui ont la propriété. Deuxième point qui est très important, c'est la question de cette nouvelle démocratie qui est en train de s'inventer pendant la Révolution. Qui est citoyen ? Les droits de l'homme et du citoyen. Qui est citoyen ? Qui va voter ? Qui va voter ? Il y a dissension entre les révolutionnaires, les uns disant tout le monde est citoyen, égalité, liberté, fraternité, je le dis pas dans le bon ordre, et d'autres disant pour être citoyen, il faut être responsable, il faut être éduqué, il faut savoir réfléchir. Être propriétaire, donc. Et donc, être propriétaire. La propriété étant le gage de la responsabilité d'être apte à diriger un pays, ou du moins à élire les représentants qui dirigent le pays. Donc, c'est pendant la Révolution que c'est lié la citoyenneté et la propriété. Ce qui fait que tout au long du XIXe siècle, jusqu'à l'obtention du suffrage universel masculin en 48, et puis, bon, beaucoup plus tard, le suffrage universel réel, la question était d'élargir la possibilité du droit de vote, et donc de séparer la propriété des droits politiques. C'est là que l'on retrouve très directement la question des liens entre la propriété concrète et les relations avec les locataires. C'est le système censitaire qui dure jusqu'en 1848. Absolument. Alors intervient sous la période napoléonienne le code civil. Ce qui est très important parce qu'il règle, dans plusieurs de ses articles les relations entre logeur et logé. Avec la période napoléonienne qui stabilise les avancées de la Révolution et qui arrête certaines choses, le Code civil reprend dans beaucoup de ses articles les droits des propriétaires, inscrits dans la Constitution, mais en plus inscrits dans le Code civil, et ce qu'on pourrait appeler, mais il faudrait mettre des bémols, les droits des locataires. Parce que en fait, si on regarde, les propriétaires ont quasiment tous les droits et les locataires ont un droit fondamental, c'est de celui de payer les loyers. Ils ont quelques autres droits, par exemple de réclamer des travaux quand il y a des travaux à faire dans l'immeuble. On en parlait tout à l'heure à propos de la chanson. C'est des droits qui sont beaucoup moins importants que ceux des propriétaires. Donc le Code civil, qui d'une certaine façon termine la Révolution et inscrit ses avancées, fige pour longtemps, jusqu'à quasiment nos jours, les rapports entre les propriétaires et les locataires. Ce dont la littérature rend abondamment compte au long du 19e siècle. On songe au livre immortel de Henri Murger, « Scène de la vie de Bohème », dont a été tiré l'opéra de Puccini, « Rodolphe, Mimi », et aussi le film de Marcel L'Herbier, qui remonte à 1945. Voici des feuilles, monsieur Chaudin, des feuilles de quittance. Nous sommes le 15 avril. Oh, c'est un aspect du printemps auquel je ne songeais pas. Je pense que vous êtes en mesure de... Oh, mais voyons. Vous entendez que c'est un métronome. Oui, raisonnable. Vous avez 9 mois de retard. Déjà, comme les saisons passent. Le propriétaire m'a donné l'ordre de... Le propriétaire? Pardon, le propriétaire? Mais je ne connais pas le propriétaire. Propriétaire, c'est la loi. Oh, la loi, la loi. Et la loi veut me chasser, sans doute. Parfaitement, nous en avons assez de loger des artistes qui ne paient pas leur loyer. Oh, payez, payez, mais vous employez toujours les mêmes termes. Mais parce que ce sont toujours les mêmes que vous devez. Les trois derniers, 75 francs. Et croyez-vous que ça se trouve sous une note de piano, 75 francs? Oh, enfin, moi je vous préviens qu'à midi, le nouveau locataire emménagera. Vous m'aurez tué, monsieur Durand. Quoi? Savez-vous où je vais, n'est-ce pas? Non. Me suicider, monsieur le conseiller. Oh. Et l'estomac vide encore. Monsieur Chonard, on vous appuie. Je vais vous trouver une place. C'est la musique de M. Chonard qui l'a désaccordé. Qu'est-ce que ça, M. Chonard? Le locataire précédent. Le mobilier lui appartient. On n'a pas le droit d'y toucher pendant un an. C'est la loi. Mais comme il n'a pas payé ses termes, je peux vous louer l'atelier meublé. Oh, oh, mais ça sera mieux. À plus de ressort qu'un honnête homme. Ce sera 10 francs de supplément. Ça, c'est cher. Ça m'arrange puisque je n'ai pas de meubles. Mais c'est pas si immense ici. On pourrait y loger à ménage. Vous ne fournissez pas la mariée? Non? Oh. Et c'est encore une fois, comme dans l'extrait de tout à l'heure, le concierge qui vient chercher l'argent pipelet. Et le pipelet et qui propose le nouveau locataire. Ce qui veut dire que le propriétaire se décharge soit sur le concierge, soit sur ceux qu'on appelait les principaux locataires de percevoir les loyers. Parce qu'évidemment, c'est pas très confortable de venir en disant « payez-moi ou je vous mets dehors ». Il délègue. On afferme en quelque sorte cette responsabilité. C'est tout à fait le système du fermage, puisque c'est repris de l'ancien régime. Le propriétaire demande à son homme de main, ou de peine, ou son agent, on peut l'appeler comme on veut, une somme. Ensuite, celui qui perçoit, donc le locataire principal ou le concierge, demande plus. Et comme ça, il fait un peu de bénéfice. Mais il ne doit pas demander beaucoup plus, parce que là, il ne sera pas, payé du tout. Les révolutions successives, celle des Glorieuses de juillet, puis celle de 1848 en février, signifie une certaine évolution des relations des propriétaires et des locataires, ne serait-ce que parce que certains se retrouvent ensemble sur les barricades. En fait, il y a une alliance entre une partie des classes moyennes et des classes populaires pour réclamer cette fameuse abolition du cens, un régime plus libéral, en tout cas moins éloigné de certains idéaux de la Révolution. Et ils se retrouvent tous ensemble pour réclamer cette liberté qui devrait non pas abaisser le pouvoir des propriétaires, mais élargir à l'ensemble du corps social, ou presque, en tout cas aux hommes, la possibilité de voter. Donc, on retrouve des logeurs, on va pas les appeler propriétaires, parce que c'était des, on va dire, des petits propriétaires, des logeurs, avec leurs logés, aller faire le coup de feu sur les barricades pour réclamer la liberté de la presse et l'abaissement du cens. Et dans le même temps, ce 19e siècle voit se développer la seconde révolution industrielle, avec ce que cela comporte d'arriver dans les villes d'un prolétariat souvent misérable et qui a beaucoup de peine à payer ses loyers. Alexis de Tocqueville, comme toujours lucide, dit en 1847, juste avant la révolution de février, dans un petit texte qui s'appelle « De la classe moyenne et du peuple », il écrit « Il ne faut pas que les propriétaires se fassent des illusions sur la force de leur situation, ni qu'ils s'imaginent que le droit de propriété est un obstacle infranchissable. Le grand champ de bataille sera la propriété. » Nous y voilà. C'était prémonitoire, bien sûr, car la question va se reposer encore tout au long de la fin du 19e siècle, du 20e siècle et éventuellement même du 21e siècle. C'est à partir du Second Empire qu'on voit, sous l'effet de l'émergence de la révolution industrielle, qu'on voit se durcir les relations entre les propriétaires et les locataires, notamment à cause de l'arrivée d'un grand nombre d'ouvriers dans les villes, à cause du fait qu'ils sont logés du même coup dans des logements très insalubres. C'était un souci en particulier des médecins hygiénistes à partir de cette période. Les classes populaires ont toujours été mal logées. Mais durant le Second Empire, avec l'exode rural, l'arrivée en ville de ces classes rurales, de ces nouveaux citadins et l'industrialisation, la situation a empiré. La plupart de ces nouveaux urbains ne trouvaient pas à se loger, non pas qu'il n'y ait pas eu d'appartements à proposer à la location, voire à la vente, mais simplement, ils étaient trop beaux et trop chers. C'est-à-dire que par rapport au budget dont disposaient ces nouveaux urbains, eh bien, ça ne correspondait pas. La question était plutôt la cherté des logements que leur manque. Il en manquait, certes, mais il y avait aussi des logements vides. Et en particulier au moment de cette grande transformation urbaine qu'on appelle l'haussmannisation, le développement des villes et la construction de nombreux immeubles. Du nom du préfet de la Seine, Haussmann, qui a puissamment remodelé la capitale. Absolument. Il y avait donc des nouveaux immeubles qui ne trouvaient pas preneur, parce qu'ils étaient trop chers. Donc la question du logement populaire s'est accentuée à ce moment-là, au point d'inquiéter les hygiénistes, parce que n'oublions pas les épidémies de choléra, qui se sont demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour remédier à cette question qui devenait préoccupante. C'est en tout cas de l'époque du Second Empire que date l'image, cette fois-ci fixée, vraiment du propriétaire vautour, de surcroît accompagné de celui qu'on appelait Monsieur Pipelet, qu'on appelle de plus en plus des cloportes, peut-être parce qu'ils vivent dans des, c'est-à-dire les concierges, peut-être parce qu'ils vivent dans des logements insalubres ou parce que ils sont chargés de clore les portes, si on croit à l'importance des plaisanteries de ce genre. L'idée du cloporte, cet insecte pas très sympathique, c'est quelque chose qui est venu après. L'origine, semble-t-il, en tout cas donné par le dictionnaire Larousse, c'est une bonne référence. Dictionnaire très républicain, à cheval sur la guerre de 70. Absolument. Le C est paru avant. Le cloporte, c'est le concierge qui ouvre et ferme la porte, donc qui clôt la porte, parce que le soir, les immeubles ne sont pas accessibles. Et donc, c'était le concierge qui était chargé de vérifier que la porte était fermée, et le matin, il l'ouvrait. Cordon sur le pied. Voilà, le cordon. Le cloporte, c'était celui qui fermait la porte. Mais comme ce concierge, premièrement, il était très mal logé. Les loges de concierge, et ça, Il y a encore des loges de concierge maintenant qui sont quand même pas d'un grand confort. Il y en a de moins en moins puisqu'on veut plus payer les concierges, ça coûte trop cher. Mais il y a encore des loges de concierge qui sont recherchées parce que c'est un logement et pas cher, souvent gratuit en échange du ménage. Je parle de maintenant, mais c'était vrai aussi sous le Second Empire. Ces concierges, ils étaient comme leurs locataires, mal logés, mais en même temps, c'était eux qui percevaient les loyers, quand c'était eux et non pas le principal locataire. Plus, et des donc, plus des étrennes. Plus des étrennes, plus le denier de Dieu, plus... Le denier de Dieu, c'est quand le nouveau locataire arrive. Arrive, c'est ça. Et donc, de ce point de vue-là, ils étaient du côté du propriétaire, des vautours, des accapareurs. Il est interdit, pour éviter les engorgements, de jeter dans la cuvette aucun débris ou tampon de papier, pour éviter les accidents causés par la gelée, tenir la fenêtre fermée pendant les grands froids, principalement la nuit. Tout dégât occasionné par la non-exécution de cet avis sera réparé aux frais du locataire. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. La Commune de Paris est un moment très, très intéressant parce que c'est le temps où on commence de voir apparaître très directement le souci des pouvoirs publics de réglementer ces choses avec la grande question du moratoire. Est-ce que les temps de guerre, c'était d'ailleurs antérieur à la Commune, est-ce à partir de la guerre contre la Prusse, est-ce que les temps de guerre justifient, appellent un moratoire, c'est-à-dire un délai dans l'exigence des loyers? Alors, est-ce que ça justifie? Ça, on ne sait pas. En tout cas, c'est utilisé. On parle toujours à propos du moratoire de la Commune. Mais en fait, le moratoire, comme vous venez de le dire, est pris par le gouvernement de défense nationale, donc juste après la chute du Second Empire. Le 4 septembre. Le 4 septembre. On peut le comprendre car c'est la première fois qu'il existe un moratoire de cette nature. En fait, la guerre contre la Prusse, qui a amené la chute du Second Empire, était censée ne pas avoir été vraiment voulue par la nation. Or, une fois la République proclamée, il faut défendre la nation. N'oublions pas que les troupes allemandes ont envahi une grande partie du territoire français. Donc, il faut continuer la bataille. Donc, il faut envoyer les soldats au front. Ils sont pas très enthousiastes. Après tout, c'est la guerre de l'empereur. C'est pas la guerre de la République. C'est le gouvernement de défense nationale de la Nouvelle République qui proclame que les soldats qui sont amenés à aller se battre pour défendre la Nouvelle République pourront sursoir au paiement de leur loyer. Et encore, c'est pas tous les locataires, c'est les locataires les moins riches. Arrive la défaite, arrive la signature du traité de paix, arrive la nouvelle assemblée qui est à Versailles, qui est revenue de Bordeaux, qui est à Versailles. Très conservatrice. Et très conservatrice, et qui dit, parmi toutes les tâches que nous avons à remplir, dont faire une constitution, il faudrait peut-être voir qu'est-ce qu'on va faire avec le moratoire. L'assemblée, donc conservatrice, versaillaise comme on dit, prépare des mesures pour sortir du moratoire. Or, pendant ce temps-là, éclate la Commune. Et la Commune, elle, beaucoup plus radicale que nos conservateurs versaillais, décrète pour Paris fin des loyers. Ça ne veut pas dire grand-chose, fin des loyers, mais en tout cas, les locataires, eux, ils ont compris qu'il ne fallait pas payer du tout. On assiste à un duel entre l'Assemblée versaillaise qui essaye de trouver des moyens législatifs de sortir du moratoire et la Commune qui proclame les loyers sont abolis. Et qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Alors, entre les deux, ce qui se passe, c'est qu'une loi est votée par Versailles, tandis que la Commune est écrasée et vaincue. Qu'est-ce qui va se passer? quand les locataires vont devoir se soumettre aux nouvelles lois et rattraper ce qu'ils n'ont pas payé. Et qu'est-ce qui va se passer hein? Alors, ce qui va se passer, et ce qui est très, je pense, on pourrait dire clairvoyant ou intelligent, on peut mettre le terme qu'on veut, c'est que l'Assemblée versaillaise a prévu des commissions de conciliation entre les propriétaires et les locataires. Ceux qui n'ont pas payé doivent payer, c'est quand même la défense des propriétaires, mais ils ont 2 ans pour payer sans intérêt. Et en plus, on efface une partie de leur dette. Et je pense que les députés, et Thiers lui-même en était convaincu, ils voulaient voter une loi d'apaisement. Il était, je crois, utile de s'arrêter un instant sur cette période charnière, 1870, 71, 72. Daniel Volman, dans cette réflexion, cette conversation qui concerne les relations entre propriétaires et locataires depuis la Révolution française, parce que c'est le moment où s'affirme de façon plus nette l'intervention des pouvoirs publics, et qui désormais va se manifester dans le temps des guerres ultérieurement. Et en même temps, parallèlement, cette période est marquée par l'apparition des premières organisations de propriétaires d'un côté et de locataires de l'autre, qui aujourd'hui nous sont familières, droit au logement, etc. C'était peu connu auparavant, et cela caractérise ces années 1880, 90, 1900. Quand je disais tout à l'heure que cette loi de fin 71 qui permettait aux locataires de ne pas payer tous leurs arriérés de loyer était une loi d'apaisement, c'est vrai, mais les propriétaires ont eu extrêmement peur. La commune, ça a été terrible pour eux, ils ont vu passer le vent du boulet, si on peut dire. Dès la fin de la commune, c'est-à-dire au moment où se mettent en place ces commissions de conciliation, les propriétaires commence à s'organiser. C'est intéressant parce que les propriétaires sont plutôt individualistes, mais là, ils se rendent compte qu'il vaut mieux être unis, ils seront plus forts. Et donc, les premières associations de propriétaires se mettent en place dès 72. Alors, il y en a partout, hein. Il y en a à Paris, les premières, c'est à Paris, mais il y en a dans toutes les villes. Et j'ai trouvé très, très amusant une relativement petite association à Montauban qui parle des propriétaires soumis à des vexatures de toutes sortes. Je trouve ça très beau. Et les vexatures, c'est les loyers qui rentrent pas, surtout. Et donc ces propriétaires s'organisent, ils forment des groupes de pression, des lobbies, et en même temps, comme vous le disiez, les pouvoirs publics commencent à intervenir, en particulier des lois qui, d'une certaine façon, auraient dû, si elles avaient été appliquées, limiter les droits de propriétaire. Ça avait commencé en 1850, donc on retourne un petit peu en arrière, avec la loi sur les logements insalubres, qui, en principe, interdisait aux propriétaires de louer des logements insalubres, comme ce qu'on entendait tout à l'heure dans la chanson, avec des fuites d'eau et des choses comme ça. Loi très intéressante, absolument pas appliquée, parce qu'il fallait faire la preuve que le logement était insalubre. Mais on crée un corps d'inspecteur tout de même. Alors, il y avait un corps d'inspecteur qui n'était pas très bien reçu, et il n'était pas très bien reçu avec un argument très fort qui était le droit de propriété. Vous n'avez pas le droit d'entrer chez moi. Mais c'est aussi le temps où un certain nombre de bourgeois progressistes se préoccupent de cette situation et commence de proposer l'idée des habitations à bon marché. Il y a une loi dite Siegfried de 1894. Il s'agit de Jules Siegfried, le père du fameux géographe et politiste André Siegfried. Une loi qui prévoit la création d'une société française d'habitations à bon marché. Les ancêtres des HLM, habitations à loyer modéré. On a parlé tout à l'heure de cette situation préoccupante du logement des classes populaires tout au long du Second Empire et des débuts de la Troisième République. La préoccupation des hygiénistes ayant peur de la tuberculose, du choléra. Leur préoccupation aussi de la santé, de la main-d'œuvre, parce que ça jouait aussi. Le fait que on se préoccupait de cet habitat insalubre avec l'idée que peut-être il faudrait obliger les propriétaires à ne pas proposer des logements insalubres. Un certain nombre de réformateurs sociaux, dont Siegfried, mais il y avait toute une nébuleuse, alliés du reste à des grands patrons qu'on appelle philanthropes, ou en tout cas qui avaient un intérêt bien compris d'avoir une main-d'œuvre à la fois solvable et travailleuse. Souvent protestants, d'ailleurs, bien que vous ayez cité en mauvaise part Montauban tout à l'heure, ville protestante. Souvent catholiques, protestants. Il y avait aussi, d'ailleurs, des philanthropes juifs. C'est toute cette nébuleuse, si je peux m'exprimer ainsi, religieuse, qui pense que c'est quand même pas très charitable de laisser les classes populaires vivre dans des taudis. Et donc, l'idée, c'est comment faire pour bien loger ces classes populaires. Comment faire? Eh bien, il faudrait proposer des maisons confortables. Ça, on a dit tout à l'heure, il y en avait, mais confortables à des prix qui soient en dessous du prix du marché. Alors, comment faire pour ça? C'est un peu compliqué, d'autant plus, et je crois que c'est très important, on dit que l'État se préoccupe de plus en plus. Certes, mais l'idée, c'est que le logement, c'est une affaire privée. Respect de la propriété, affaire privée. Donc l'État n'a pas à s'en mêler. Mais pousser la propriété, c'est un souci des radicaux de l'époque. Absolument. L'idée serait que si les classes populaires étaient propriétaires de leur logement, encore faudrait-il qu'ils le puissent, ça leur donnerait de la protection, ils iraient pas au bistrot, seraient plus responsables, etc., etc. Donc, l'idée de cette loi Siegfried, c'est d'encourager des particuliers ou des sociétés à construire des habitations à bon marché, HBM, confortables, saines, et de les louer en dessous du prix du marché. Alors, comment faire? Parce qu'ils sont philanthropes, mais enfin quand même, il y a des limites, il faut des financements. Donc l'idée, c'est que ces sociétés ou ces particuliers pourrait emprunter à des taux très faibles et sur une très longue durée, donc ça leur coûterait pas cher, ces emprunts seraient garantis par l'État. C'est en ce sens qu'il y a intervention de l'État. Mais après, ces sociétés ou particuliers qui ont emprunté, ils font ce qu'ils veulent. On est encore assez loin de nos offices de HLM. Absolument. On en est encore loin. La loi sur les offices, c'est 1912, c'est encore loin. Mais les offices de maintenant, Paris Habitat par exemple, ou les OPAC, sont absolument les héritiers directs de ces premières organisations, soit sociétés. Là, on n'est pas dans les offices publics, il y en a toujours. Par exemple, les 3F, gros propriétaires immobiliers et bailleurs, c'est une société anonyme, et des offices publics. Les propriétaires s'organisent et les locataires aussi commencent de regrouper leurs efforts. On voit d'abord des associations plus ou moins anarchisantes telles que, on est dans les années 1880, la Ligue de la grève des loyers, la Ligue des antipropriétaires, les compagnons de la cloche de bois. Et puis les choses deviennent plus solides et plus sérieuses à partir de 1907-1908 où un syndicat de locataires se développe avec à la tête un personnage qui s'appelle Georges Cochon, ce qui évidemment pousse à beaucoup de plaisanteries, le citoyen Cochon contre Monsieur Vautour. Il a animé des mouvements qui annoncent déjà, d'une certaine façon, les enfants de Don Quichotte aujourd'hui, ou l'association Droit au logement. Il organise des moments spectaculaires, qui appellent aussi, à certains égards, Saint-Bernard. Je vais vous le faire écouter, puis après, vous nous direz ce que vous pensez du citoyen Cochon. Il a rencontré une comtesse de la Rochefoucauld, qui habite dans le 16e, qui a eu quelques démêlés avec sa propre propriétaire et qui a le goût, l'élégance, la fantaisie. Elle appartient à ces riches qui regardent vers les problèmes sociaux, d'accueillir un certain nombre de familles sans domicile fixe, de l'accueillir dans la belle demeure qu'elle est destinée à quitter dans les 6 mois. Mais elle a 6 mois devant elle. Les cochons arrivent avec les siens. Je rassemble une centaine de copains. Et puis on emménage dans le pavillon de la comtesse. Enfin, finalement, on a été expulsés. Parce qu'on avait logé dans un pavillon devant cette habité bourgeoisement des tribus d'occupants qui n'ont ni les mêmes devoirs ni les mêmes habitudes que les habitants du quartier. On reste quand même. On bouge pas. Ça dure un bon moment. Alors à ce moment-là, toutes les voitures de touristes venaient, c'était un lieu de plaisir. On venait voir le fort Cochon, le fort La Rochefoucauld. Les fortifications étaient pleines de monde. Alors tous les dimanches, il y avait réunion, il y avait les gosses qui mangeaient dans la cour. Puis un jour, tout de même, nous avons été expulsés. Nous étions toujours là. Nous, on tenait le coup, là. On était ravis de dire, enfin, il y a tant de gens qui nous apportaient des tas de trucs pour honorer les gosses. Quand on a été sur le point d'être expulsé, la veille de l'expulsion, je vais acheter chez Ruggieri des pétards. C'est des pétards de feu d'artifice. J'amène ça, on attend. Le commissaire de police, avec les sommations, il n'y a rien. Bouge pas, porte barricadée, tout fermé. Commence à vouloir enfoncer la porte. Alors à ce moment-là, un pétard part. Le ciel, pam ! Tout le monde, tout le camp. J'avais donné, ils ont des fusils, faire attention, etc. Alors c'était une panique terrible, le commissaire, tout le monde foutait le camp. Puis après ils sont revenus tout de même. Et ils ont démoli complètement la porte. Alors j'ai dit, la comtesse, on va faire la commande des voitures de déménagement, parce que c'est toujours elle qui payait. Ben oui, la commande 400 voitures de déménagement, les voitures de déménagement en viennent, on entasse les meubles là-dedans, et on monte à Bougival, au cri de « Vive Jésus, nom de Dieu !»« Vive Jésus, nom de Dieu !» Alors c'était le cri de ralliement, « Vive Jésus, nom de Dieu !» Alors la comtesse vient me dire, « Monsieur Cochon, ils sont bien gentils, vous protégez, mais vous savez, ils cassent tout là-bas. Dites donc, si l'on faisait contre 8 petits pavillons, alors là, on les loge dans leur pavillon et vous êtes débarrassés. Et vous avez tout le monde entier pour vous. » Ah, me dit, vous avez une idée. Enfin, ils ont décoté un terrain Romainville. Enfin, ils ont trouvé aussi un petit entrepreneur. Il a construit là 8 pavillons. Le sol en dur, puis le dessus en planche. 8 pavillons. Pour les loger tous. Ah, c'est le premier pavillon, pour les loger. Et qui leur appartenait, qu'elle leur avait donné. Alors donc la comtesse, entre nous, bien sûr, un peu folle. Un peu folle, la comtesse. Georges Cochon, il faut le savoir, a eu un bref moment de gloire avant 1914 et ensuite est entré dans l'obscurité, mais il a été retrouvé par Louis Mollion qui, à la radio, produisait l'émission qui s'appelait « Le bureau des rêves perdus ». C'est une émission du 19 décembre 1957. Il est mort très peu de temps après. Je voudrais que nous le restituiez, ce personnage, parce que ses comportements, ses imaginations, ses initiatives annoncent à certains égards beaucoup de celles d'aujourd'hui, où il s'agit de faire connaître, de faire comprendre des misères contemporaines. Ce Georges Cochon, c'était un anarchiste qui, comme vous l'avez dit, a beaucoup joué de son nom, parce qu'on pouvait faire des tas de blagues sur son nom. C'était donc un anarchiste, proche aussi des anarcho-syndicalistes qui avaient commencé à grouper les locataires et qui a consacré une grande partie de sa vie, en tout cas entre 1900 et 1914, il n'a fait quasiment que ça, à s'élever contre le sort du logement des classes populaires et de la cherté des loyers. Donc c'est lui qui a organisé ou s'est occupé de ces diverses syndicats et ligues des antipropriaux. Il était vu d'un œil un peu inquiet par les socialistes. Il avait un génie qui était celui de la propagande. Quand il faisait ses actions, il convoquait toujours la presse. C'est-à-dire, il faisait pas ses actions comme ça. Et la presse favorable ou au contraire défavorable faisait soit des petits, soit des grands articles, mais il y avait des articles. Alors, quelles étaient ses actions spectaculaires? C'était d'aider des locataires expulsés à déménager à la cloche de bois. Alors, comment il les aidait? Il prenait des voitures à bras, on prenait des casseroles, on tapait sur les casseroles, parfois même il y avait une fanfare, et il y avait la police, bien sûr, parce que ce n'était quand même pas licite. Il n'y avait pas encore de heurts avec la police, mais tout juste. Et donc, il popularisait le fait que quand on pouvait pas payer, et surtout qu'on avait été expulsé, à bon ou à mauvais droit, eh bien, ça devait se faire savoir. Ça, c'était, disons, le degré 1 de ses actions, mais relayées par la presse. Et ensuite ? Et alors, qu'est-ce qu'on faisait avec ces gens qui venaient d'être expulsés? Donc, on arrive aux occupations, aux squats. Et donc là, on est aussi dans des types d'actions qui seront répandues dans les années 45 du XXe siècle et maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Il cherchait des locaux vides dans les villes, c'était surtout Paris. Hein. Il a œuvré à Paris et aux alentours, il parle de Romainville là, dans son entretien. Il repérait des logements vides et nous avons dit à plusieurs reprises qu'il y en avait. Et il faisait entrer les locataires expulsés dedans. Comme ce qui se passe maintenant, c'est le même type d'action. C'est une réquisition au nom de la justice et de l'égalité. On fait entrer des gens sans logis dans des logis. Parce qu'il n'y avait pas toujours des comtesses bienveillantes comme Madame de La Rochefoucauld qui d'ailleurs se vengeait de sa propre propriétaire. Absolument. Alors c'était un peu une personne fantasque qui l'a aidé, mais il a été aussi aidé par certains réformateurs. On se méfiait quand même de lui. Hein. C'était un sacré agitateur. Et alors ça, c'était le deuxième degré. Il y en a un troisième. Le troisième, c'était de construire des baraques. C'est pareil, cette construction de baraques, c'est comme les tentes du canal Saint-Martin. C'est offrir un toit à des sans-toit. Alors, on les appelait pas sans domicile fixe à ce moment-là, mais c'était des gens qui ne pouvaient pas se loger. Donc, une fois qu'ils sont là, on a beaucoup de peine pour des raisons à la fois juridiques et surtout morales à les chasser. Les expulser. Alors, il y a eu bien sûr des expulsions, comme maintenant, de squat. Je fais partie d'un groupe d'anarchistes, car pour spécialité de faire les déménagements, pour venir en aide aux communistes. Qui se trouvent embêtés pour payer leur logement. Nous sommes ennemis de tout propriétaire, mais par contre nous sommes amis du prolétaire. Voilà pourquoi, parmi les anarchos, on nous a surnommés la Ligue des antipropriaux. Ohé les zigs, à bas les flics. 1, 2, 3, marquons le pas, les chevaliers de la cloche de bois. 1, 2, 3, marquons le pas, seule la terreur des bourgeois. Serrons les fronts et portons crânement le guet-drapeau des antipropriaux. Serrons les fronts et portons crânement le guet-drapeau des antipropriaux. Qu'un copain se trouve dans la panade, très emmerdé par les records et le vautour, vite il prévient les camarades qui ne se font pas prier pour lui prêter leur concours. Et tous en cœur on radine à sa piole, sans avoir besoin de chef pour distribuer les rôles. L'un derrière l'autre envoie les anarchos descendre l'escalier avec les meubles sur leur dos. Devant le pipelin, tous au complet. 1, 2, 3, marquons le pas, les chevaliers de la cloche de bois. 1, 2, 3, marquons le pas, c'est la terreur des bourgeois. Serrons les gonds et portons crânement le guet-drapeau des antipropriaux. Serrons les gonds et portons crânement le guet-drapeau des antipropriaux. L'esprit antiproprio, comme en témoigne cette chanson anonyme de 1893, réinterprétée plus récemment en 1999 par Denis Cacheux. Voilà, sur le ton d'une allégresse déterminée, Daniel Volman, voilà résumé dans cette chanson la plupart des thèmes que vous venez de développer pour nos auditeurs. C'est bien une chanson des anarchistes, donc des amis de Cochon et de tous ces mouvements. Et on a tout dedans, les antipropriaux, faire peur aux bourgeois, ces déménagements à la cloche de bois, ces occupations de biens privés et puis après construire des baraques. On a aussi versé des chariots pleins de meubles usagés sur la place de l'Opéra. Ils ont occupé la cour de la Chambre des députés. Enfin, ils cherchaient des actions spectaculaires. À la fois pour populariser leur mouvement et puis surtout pour alerter l'opinion sur ce problème du logement populaire. L'entre-deux-guerres est le temps où, plus que jamais, on cherche, à la suite de la Grande Guerre de 1914-1918, qui a de nouveau bouleversé l'équilibre entre propriétaires et locataires, où on essaye d'arriver à retrouver cet équilibre alors qu'il est fragile et de concilier les intérêts des uns et des autres. C'est le temps où se développent les logements ouvriers, par exemple, de l'abbé Lemire, prévu dès avant la guerre de 14. c'est le moment où nous parlions tout à l'heure de ces deux lois importantes de 1894, Siegfried, et 1912, qui s'appelle la loi Bonnevet. Ça, ce sont des lois qui sont juste avant la guerre. Ça ne donne pas grand-chose. Mais c'est entre les deux guerres que ont commencé à s'édifier vraiment de façon importante ces nouveaux HBM. Pour Paris, c'est toute la ceinture du boulevard des Maréchaux, tous ces immeubles en briques. Il y en a, si on regarde en se promenant, il y en a absolument partout dans Paris, sauf dans le 16e et dans le 7e. Entre les deux guerres, des logements type HBM sont proposés aux classes populaires, mais il y a deux points très importants qui limitent leur importance. C'est premièrement, il n'y en a pas tant que ça. Et on va dire peut-être 30 000 en tout. Non droit d'entrer dans ces HBM que des gens qui perçoivent un salaire de façon régulière. Donc glissement des classes vraiment pauvres et des classes moyennes. Petites moyennes. Mais ces logements, néanmoins, sont beaucoup moins chers et ils sont, pour l'époque, extrêmement confortables. Et donc, il y a une explosion tout de suite de demande de ces logements. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc il y a d'un côté ça. De l'autre côté, les propriétaires dont la rente s'est beaucoup affaiblie après la Première Guerre, qui donc peinent, sont à la peine et qui donc se focalisent sur la perception de leur loyer. D'autant plus, on parlait tout à l'heure du moratoire des loyers. Le moratoire des loyers a été proclamé en août 14, c'est-à-dire tout au début de la guerre, qu'on pensait courte. Et finalement, la loi qui codifiait ce moratoire n'a été prise qu'en mars 18. C'est-à-dire que pendant toute la guerre, les propriétaires et les locataires ont vécu sur du provisoire. Les locataires très contents. Bien que c'était comme pour le premier moratoire, les locataires qui payaient le plus cher n'étaient pas dispensés de le payer. C'était pour les petits loyers. Mais en tout cas, ils étaient contents. Par contre, les propriétaires, de mois en mois, ceux qui n'avaient que ça comme revenu, ont trouvé la pilule très amère. Alors, je voudrais, Daniel Voltmann, que nous terminions notre conversation en sautant à pieds joints au-dessus de la Seconde Guerre mondiale pour arriver à cette période de ce qu'on appelle aujourd'hui les 30 glorieuses et qui sont marquées par une disette de logements, encore très très largement. Il y a eu beaucoup de destructions, il y a des difficultés dans le bâtiment. C'est l'époque de l'abbé Pierre, n'y insisterons pas longuement, mais qui est aussi un homme qui a vraiment su populariser, dans le meilleur sens du terme, faire la propagande de son indignation. Et plus tard encore, en dépit des progrès, il y a eu sur notre territoire beaucoup de situations à proprement parler intolérables. Je crois qu'avant de nous séparer, il n'est pas mauvais d'en rappeler une. Celle qu'exprime cette interview d'une locataire qui refuse de quitter son domicile, c'est Quentin Dickinson qui l'interroge pour Interactualité. On est le 10 septembre 1978. Madame Crucifix ne veut pas quitter la rue de l'Église. Cette association de mots peut faire sourire et pourtant, le cas de cette dame de 73 ans qui habite Varluis, un petit village de l'Oise, à quelques kilomètres de Beauvais, ce cas illustre bien certaines difficultés que rencontrent les personnes âgées. Edmonde Crucifix, sans ressources, se bat depuis plusieurs semaines contre son propriétaire qui tente de l'expulser du logement qu'elle occupe rue de l'Église depuis plus de 10 ans. Quentin Dickinson l'a rencontré hier. Je suis locataire depuis le 8 juin 1968. J'avais des bons rapports avec mon propriétaire puisqu'il m'a aidé à déménager ma salle à manger dans une voiture à bras. Tout a changé quand il a fallu que je parte de chez lui. J'ai eu un avis d'expulsion pour le 30 juin. Il venait toutes les semaines en me disant « Quand est-ce que vous partez ? Quand est-ce que vous partez ?» Je dis « Monsieur, je cherche un logement à Beauvais. » Mais monsieur, c'est pas d'aujourd'hui que je cherche un logement. Ça fait plus de 5 ans. Et pour une bonne raison, monsieur, mes moyens ne me permettent pas de mettre 1300 francs par mois. C'est impossible. En arrivant chez moi, bon, nous sommes rentrés. Monsieur, qu'est-ce qu'on a vu ? Le mur de ma chambre était percé sur la rue. Deux portes qui donnent dans le couloir, parti. Mon lit chamboulé, ma télévision chamboulée, les photos de mon mari qui étaient sur ma télévision, tout ça c'était chamboulé. Ça fait 15 jours que je dors plus et j'ai pas le droit de prendre de somnifères. Et toute la nuit, je ressasse, je repense à une affaire, je repense à une autre. Mettez-vous à ma place, monsieur. C'est dur. En l'occurrence, Daniel Voltmann, le monsieur vautour concerné n'est pas tellement loin, celui qui fait des trous dans les murs de sa locataire. terre pour l'obliger à partir n'est pas tellement loin des personnages du 19e siècle que nous avons évoqués tout au long de cette émission. Il y a eu une période, environ une vingtaine d'années, on parle des Trente Glorieuses, mais disons c'est à partir de 55, après l'appel de l'abbé Pierre, où la tension sur le marché du logement s'est vraiment apaisée. C'est avec l'énorme construction de ce qu'on appelle les grands ensembles pour aller vite, les pouvoirs publics ont cru que la question allait être résolue. Parce que il y avait, comme vous l'avez dit, les destructions de la guerre, le baby-boom, l'appel à la main-d'œuvre étrangère, et il y avait besoin de logements. Mais pour une fois, on a eu l'impression que la construction a suivi. À peu près, bien sûr, puisque on voit cette dame qui depuis à Beauvais, qui attend Madame Crucifix, habitant rue de l'Église, qui attend depuis 5 ans un logement que on ne peut pas lui proposer. Donc, à part ces 20 ans où ces nouveaux ensembles qui ont été construits partout dans les villes à travers le pays ont atténué, pour pas dire complètement résolu, la crise du logement populaire. Oui, la question demeure. Alors, la question demeure parce que les loyers sont trop chers, et ça, on en entend tous les jours, et malgré les tentatives de loi à l'UR, d'Allo, etc., on n'arrive pas à réguler le marché et à proposer des logements qui ne soient pas des taudis à des prix abordables. Ce système qui a bien fonctionné pendant les 30 Glorieuses, s'est grippé à partir de la fin du XXe siècle, au moment où s'est installée une crise économique durable, qui pour le logement était importante, parce que tous ces bailleurs sociaux, ces grands bailleurs de HLM, comptaient sur leur loyer pour entretenir les bâtiments. Or, il y a eu de plus en plus de chômage. Les gens qui n'étaient pas touchés par la crise partaient de ces endroits de moins en moins entretenus et de plus en plus habités par des gens pauvres. Autre raison, tous ces chômeurs qui n'étaient pas admis dans le secteur social se sont retrouvés à la rue, et l'augmentation de ce qu'on appelle maintenant les SDF est exponentielle. C'est-à-dire que des clochards dans les villes, des gueux, des nécessiteux, des gens de peu, c'est toujours dans les villes depuis le Moyen-Âge. Il y en a toujours eu. Mais dans les années 70, il y en avait de moins en moins. On voyait plus de soupes populaires. Dans les années 60, les soupes populaires, c'était les souvenirs de la crise des années 30. Tout d'un coup, on revoit tout ça. Et donc, les tensions sur le marché du logement se sont accentuées et on essaye de trouver des parades. Donc, vous concluriez que la période récente, et il n'y a pas de raison de s'en réjouir, rejoindrait de façon marquée les temps de ce 19e siècle sur lequel nous nous sommes attardés. Pas tout à fait, parce qu'il y a quand même une chose radicalement nouvelle qui sort au moment du premier gouvernement socialiste de la Ve République, 1982, le ministre du Logement, Paul Quies, proclame le droit au logement. Alors on en parlait au début. Qu'est-ce que c'est que ce droit au logement? Parce que le droit de propriété, on voit bien, puis on a l'habitude depuis plus de 200 ans. Mais le droit au logement, c'est un peu compliqué. Est-il constitutionnel? N'est-il pas constitutionnel? Comment on va le faire appliquer? Mais c'est une radicalité nouvelle. Et puis, ça a été repris en 10 ans plus tard. Le droit au logement existe. Ça ne veut pas dire qu'on peut l'appliquer. Mais par rapport au ce temps du 19e siècle, tout de même, quelle différence! Discordance des temps, en somme. Absolument. Pour finir, Daniel Volman. Daniel Volman, merci d'être venu à mon micro. Votre livre s'intitule « Locataires et propriétaires, une histoire française, 18e siècle, 21e siècle », paru chez Payot tout récemment, en 2016. Je voudrais évoquer aussi un livre qui peut surprendre davantage, que vous avez publié avec Fabrice Virgili et qui s'appelle « La garçonne et l'assassin », paru également chez Payot en 2011. De quoi s'agissait-il ? D'un travesti, un pauvre déserteur de la guerre de 14, qui pour échapper aux poursuites s'est travesti en femme. Il est resté 10 ans en femme, et si les auditeurs s'intéressent, je ne dévoile pas la suite de l'histoire qui est rocambolesque. Vous pourrez trouver une bibliographie complète, comme d'ordinaire, sur le site de Concordance des temps, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous parlerons du populisme. C'est beau aussi, sujet. Je vous remercie de le dire à l'avance. Il s'agira de braquer l'attention sur le général Boulanger, sur le boulangisme. Il y a des traits communs avec certaines tentations contemporaines dans l'ensemble de l'Europe continentale. Et je recevrai, pour en parler, un excellent connaisseur de cette période qui est Bertrand Joly. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le concours de Nathalie Lempereur et aussi de Jeanne Guéroux, une émission réalisée comme chaque samedi par Patrick Molinier, avec à la prise de son Olivier Dupré, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Aude Vassan. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.